On parle de ça évidemment comme si c'était un phénomène qui touchait la planète entière, mais il n'y a que les Blancs qui sont obligés, sans qu'on leur ait d'ailleurs demandé leur avis, de subir une invasion migratoire. Il n'y a que les Blancs. C'est faux. Ah, actuellement, tu ne Non, parles pas c'est de la colonisation. faux. Non, C'est il n'y a que faux. les Blancs, il n'y a Bah, que c'est les Blancs. faux. C'est faux. Alors, L'immigration, il y en a partout. non, mais... Le mondialisme, il arrive partout. Oui, non, mais...